Bonjour les petits enfants! Et pourquoi ils sont pas là, les petits enfants? Mais oui, pourquoi est-ce qu'ils sont pas là, les petits enfants? Parce qu'il est 21h et qu'à 21h, les petits enfants, ils sont couchés! D'ailleurs, des fois que des petits-enfants qui répondraient au doux prénom de Noé ou au non moins doux prénom d'Anatole seraient pas couchés, je me permets de leur indiquer qu'il est tard. Mais pour les grands-enfants, pour les moyens-enfants ou pour ceux qui sont restés des petits-enfants dans leur tête mais dont l'horloge mécanique fait qu'à 21h02, car il est 21h02, ils ne sont pas couchés, eh bien vous pouvez rester à l'écoute de Radio Radio. Et pourquoi rester à l'écoute de Radio Radio? Car le jeudi soir, et particulièrement ce soir, eh bien c'est l'heure de vraiment autre chose. La petite émission musicale d'obédience progressive, oui, celle-là même, dont vous vous farcissez des rediffusions depuis un bon moment. Eh bien ça y est, on est à nouveau là, enfin je suis à nouveau là, en direct pour une magnifique soirée. Pour vous prouver que nous sommes en direct, nous sommes le jeudi 15 décembre 2022 et il est 21h02 si vous écoutez Radio Radio. Mais peut-être que vous nous écoutez sur Bram FM, auquel cas, là, on est vendredi, le 16, le 23, que sais-je. En tout cas, on est vendredi et il est plutôt 22h30. Et oui, parce que cette émission est multidiffusée, si j'ose dire, c'est la classe. On est diffusé à la fois sur Radio Radio et à la fois sur Bram FM, pour notre plus grand plaisir, nos amis de la Corrèze de Bram FM qu'on salue et qu'on embrasse. Et cette douce musique que vous entendez derrière moi, ce sont les 12 accents de Captain Tarte aux Pommes, la création de Jean Cohen Solal. Et quand nous avons ce générique là derrière, dans vraiment autre chose, ça indique que nous avons affaire à un hors-série. Et oui, c'est le retour de notre feuilleton passionnant. Voilà, on vous tient en haleine parce que je crois que ça fait 9 mois qu'on n'en a pas fait un. Mais ça y est, c'est le retour, c'est la tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with One List ce soir. Et ouais, là, je montais le son du générique, mais il n'y en a plus. Alors forcément, ça pète un petit peu moins. Bonjour les petits-enfants. Et oui, bonjour les petits-enfants. Alors, voilà, la tentative radiophonique d'exploration de la Nurse with Wound List. C'est un feuilleton auquel on s'attaque depuis plus d'une année et demie avec l'émission Vraiment Autre Chose, avec souvent les camarades Guénolé, Inès, ou même Nico, ou Tony. Jérôme nous a rejoint, Stéphane aussi, voilà. Ce soir, je suis tout seul. Donc, petit résumé des épisodes précédents, des fois que vous les ayez ratés. Si vous les avez ratés, d'ailleurs, vous pouvez les écouter sur le Mixcloud de Radio Radio. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment très bien. La Nurse with Wound List. Alors, on est en 78 quand sort le premier album du groupe avant-gardiste noisy, bruitiste, aventureux Nurse with Wound, qui en sortira une palanquée hein, depuis. C'est vraiment un groupe qui fera date. En tout cas, pour leur premier album, Chance Meeting on a Dissecting Table Between a Sewing Machine and an Umbrella, en 1979 d'ailleurs. Dans ce premier album, outre la musique qui est vachement bien, à l'intérieur de l'album se trouve un espèce de petit livret qui restera dans l'histoire de la musique sur le nom de Nurse with Wound List. Et que contient ce livret? Il contient une liste de 298 noms. Enfin, en fait, en vrai, il y en a une partie sur cet album-là, une partie dans l'album suivant qui sortira dans les années 80. Et c'est en fait deux compères de Nurse with Wound, John Focus Hill et surtout Steve Stapleton, qui étaient des férus de disques, en fait, qui sont vraiment des amoureux de la musique. Donc on passait des heures, des années entières à chiner chez les disquaires pour se faire une discographie de ouf, à la recherche de tout ce qui pouvait être un peu bizarre, étrange et sortir de l'ordinaire. Voilà, c'était un petit peu leur marotte à ces deux comparses. Et du reste, ça a vachement joué dans leur musique, puisque bah, dans leur premier album, ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir l'écouter. Et en fait, ces influences-là, ils s'en sont vraiment nourris, et on retrouvera par la suite d'ailleurs dans l'œuvre de Nurse with Wound énormément de citations, voire de reprises, de covers, d'adaptations, hein, parce que c'est vraiment, quand ils prennent un morceau et qu'ils le bougent, c'est un peu à la Residence, quoi, ça. On ne reconnaît pas forcément l'original, mais tout ça pour dire que voilà, c'est cette liste-là aura eu, donc c'est une liste d'influence qui aura vraiment une grande influence sur leur œuvre, mais aussi cette liste, elle va faire son petit bonhomme de chemin par la suite, elle va devenir culte, en fait, et dans les années 80, tout collectionneur de musique aventureuse, ou tout explorateur de musique aventureuse, se devait de connaître les groupes de la Nurse With One List, et c'était pas facile, parce que dans cette liste, on va retrouver King Crimson, Enrico, dont on va parler ce soir, qui seront notre fil rouge, Magma, enfin, je peux citer Captain Beefheart, enfin, Frank Zappa, des artistes vraiment à la renommée internationale, mais on va aussi retrouver des groupes qui ont sorti un album à 50 exemplaires, des groupes allemands complètement obscurs, anglais, japonais, italiens, américains, enfin, venant d'un peu partout, il y a même un groupe chilien dont on a parlé dans la troisième émission. Donc voilà, tout ça, cette liste, elle est devenue culte dans les années 80, à tel point que les disquaires se sont mis à avoir carrément des bacs spéciales pour les albums des groupes faisant partie de la Nurse With One List. Puis il y a eu des rééditions grâce à cette liste, elle a rendu des albums célèbres, à tel point que Stephen Stapleton, ça, j'ai lu ça dans une interview, c'est assez savoureux, Stephen Stapleton lui-même, je crois que c'est à la fin des années 80, justement début des années 90, là il se dit bon, le vinyle c'est foutu, c'est n'importe quoi, ça sert plus à rien, le vinyle c'est dépassé, je vais me mettre au CD, et il revend toute sa collection de vinyle. Seulement sa collection de vinyle était tellement devenue célèbre grâce à sa propre liste que le gars a pu s'acheter une baraque en vendant ses disques que lui-même avait réussi à rendre célèbre. Je sais pas si vous suivez, mais c'est quand même assez savoureux. Et bon, en dehors de toutes les anecdotes que contiennent qu'on peut raconter autour de la Nurse With One List, et vous avez vu, je n'en manque pas cette émission musicale, il y a quand même beaucoup de blabla, je trouve, en dehors de toutes ces anecdotes. Tout bêtement, cette liste, elle est une magnifique photographie de ce qu'on pouvait faire d'aventureux dans les années 70, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'y attarder dans Radio Radio. La BBC, un petit média comme ça, là, la BBC a consacré une émission nommée Audion Guide to Nurse With One List, une émission de 4h30. Nous avons décidé de consacrer une cinquantaine d'émissions de 3h. Voilà, tel est notre sacerdoce, telle est notre quête, suivre l'étoile, peu importe les chances et peu importe le temps. Et merci de rester à l'antenne. Et donc, je rappelle, et après, promis, je me tais, que les 21 premiers épisodes de la Nurse With One List, vous les trouverez sur le Mixcloud de Radio Radio, en allant dans Vraiment Autre Chose. Vous les retrouverez sur notre blog, le blog de Vraiment Autre Chose, en tapant Vraiment Autre Chose haut et fort, tout attaché. Voilà, donc si vous avez raté les épisodes précédents, je vous les conseille parce que vraiment, on découvre des perles grâce à cette liste et on se fait une espèce de petite photographie savoureuse de ce qui pouvait se faire d'étrange et de bizarre dans les années 70, et ça fait énormément de bien à la tête et aux oreilles. Ce soir, on va se faire énormément de bien aussi à la tête et aux oreilles, tout bêtement parce qu'on est sur la lettre H. Hein, la dernière émission, on avait attaqué la lettre H avec notamment un fil rouge autour de Pierre Henry qu'on avait fait avec notre ami Nico. Là, ce soir, je suis tout seul. Le fil rouge, ce sera autour de Enrico, le groupe britannique Enrico. Donc, il sera beaucoup question de Rock in Opposition ce soir. Et on va aussi parler d'autres groupes, Hero, Harry Chapter, Eratus et la Horde Catalytique pour la fin. Voilà. Voilà le programme de la soirée. Il est riche, il est long, il est savoureux. J'ai beaucoup parlé, il est temps de laisser place à la musique. Donc, je vous avais dit fil rouge sur Enrico. Avant de vous raconter un petit peu l'histoire de ce groupe que vous connaissez déjà si vous suivez Vraiment Autre Chose ou que vous allez découvrir ce soir, Bande de Petits Vénards. Franchement, moi, alors si j'ai un rêve dans la vie, ça serait de découvrir Enrico à nouveau, quoi. Vraiment, juste d'avoir la page blanche et je redécouvre tout ça. Parce que c'est vraiment une musique fabuleuse et des musiciens qui auront marqué l'histoire de leur discipline. Enfin, là, j'avais promis d'arrêter de parler. Donc, on va s'écouter un titre d'Enrico pour se mettre dans l'ambiance. C'est Nirvana for Mice, tiré de leur premier album Leg End, sorti en 1973. Et après, ben, je parlerai à nouveau, mais là, place à la musique. Nirvana for Mice, Enrico sur Radio Radio, tentative d'exploration de la Nurse With One List 22. Véritable petite merveille. Voilà, c'est Nirvana for Mice. Il n'y a pas que pour les souris, c'est le Nirvana. Si vous voulez mon point de vue. En tout cas, je suis fou amoureux de ce groupe-là. Très content qu'on en fasse notre fil rouge. Merci à Steven Stapleton d'avoir mis Enrico dans la Nurse With One List. En même temps, ça aurait été quand même vraiment étrange qu'il passe ça à côté. Puis quand on découvre un peu l'œuvre de Nurse With Wound, on se rend compte que, quand même, oui, il y a moyen qu'Enrico ait été une grosse influence. J'ai un accent anglais de merde, donc juste préciser que quand je dis Enrico, ce n'est pas Enrico, hein, c'est Henri Lavache, Enrico. C'est le diminutif d'un poète, Henry Cowell. Enfin, ça serait une des explications du nom. En fait, on ne sait pas trop pourquoi il s'appelle Enrico, à vrai dire, on s'en fiche. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe qui a été fondé en 1968 par deux étudiants de Cambridge, le guitariste et violoniste Fred Frith et le saxophoniste organiste Tim Hodgkinson. Très vite, leur musique intègre des rythmes impairs, des développements complexes. C'est un peu le principe, hein, des techniques de composition avancées. Pour résumer très vite, l'idée, en gros, c'est d'écrire une musique qui soit au-dessus de leur capacité musicale, en fait. Et du coup, qu'ils améliorent leur capacité musicale en écrivant des choses trop compliquées pour eux. Quelque part, c'est un peu ça l'un des principes d'Enrico. Il y en aura beaucoup parce que c'est un groupe qui aura beaucoup muté dans sa composition, dans son personnel, dans le nombre de musiciens à bord et musiciennes. On verra ça plus tard. Et aussi dans la composition, dans l'écriture. Là, on va écouter Nirvana for Mice, qui est un morceau délicieusement zapaïen, avec beaucoup de tiroirs et quelques belles surprises. On n'est pas encore dans ce que les esthètes, ce que Enrico appellera par la suite le Rock in Opposition, du moins fondera un festival qui s'appellera comme ça, et la postérité par la suite, c'est tout ce mouvement musical qu'on définira ce Rock in Opposition. Là, on est encore assez proche de ce qu'on appelait le Canterbury Rock. Toujours un rock britannique, un rock matinée de jazz, voilà, en gros quoi, avec des structures complexes, avec quand même une grosse influence du jazz. Fred Frith et Tim Hodgkinson, donc qui ont créé ce groupe Enrico, se font rejoindre en 1971 par le batteur Chris Cutler, batteur extraordinaire et qui aura une grande importance aussi dans Enrico et dans le Rock in Opposition en général. Le bassiste John Greaves aussi est de la partie. Lui, si vous vous souvenez, on a parlé du Q-Round il y a quelques émissions de ça, quand on était à la lettre K, de ce fantastique album composé entre autres par John Greaves bien après la dissolution d'Enrico. Donc là, je saute des étapes. Je reviens en 71, donc Chris Cutler à la batterie et John Greaves à la basse, donc pour une section rythmique qui vont rejoindre Fred Frith et Tim Hodgkinson. Et c'est le saxophoniste Geoff Lee qui complète le line-up. Donc ils sont cinq sur cet album qui s'appelle Legend. Donc on pourrait croire que c'est encore un jeu de mots, on pourrait croire qu'il s'agit de légende. Et non, c'est Leg End en deux mots séparés, la fin de la jambe, si j'ose dire. D'ailleurs, la pochette figure une chaussette. Et sur les albums à venir d'Enrico, jusqu'au dernier, la chaussette sera un peu l'emblème de Enrico. Voilà, je vous ai parlé donc de Canterbury Rock et on est vraiment là-dedans. À noter Parce que c'est notable que cet album-là, Leg Hand, il sort pas genre en autoproduit sur un petit label de copains, non. Il sort chez Virgin, qui à l'époque est une maison de disques méga audacieuse, vraiment, qui va sortir tout un peu les grands noms des musiques expérimentales, particulièrement sur le rock de Canterbury. Genre, je reviens à ça, les albums de Robert Wyatt, par exemple, les Soft Machine, Alfie and the North, tous ces groupes-là, on les retrouvera chez Virgin, qui est vraiment... qui est à ce moment-là une maison de disques extrêmement audacieuse, qui vraiment veut sortir ce qui s'écoute, quitte à laisser des gros budgets, à prendre beaucoup de risques sur des artistes. Les choses changeront par la suite, et ce qui aura un rôle assez capital dans la carrière d'Henry Cow, mais ça, on reviendra plus tard là-dessus. Je vais arrêter de teaser. On va écouter un deuxième extrait de Leg Hand. On va s'écouter Nine Funerals of the Citizen King, le titre qui conclut l'album. Donc Leg Hand, c'est toujours Henry Cow sur Radio Radio. Down beneath the spectacle of free, no one ever let you see the Citizen King ruling the fantastic architecture of the burning cities where we buy and sell. La la la la la la la la la la la la la la la la la. That the snark was a boojum all can tell. But a rose is a rose, is a rose, said the mama of Dada. As long ago as 1919, you make arrangements with the guide. No, no, no. Magnifique tout ça. Vous êtes sur Radio Radio. On vient d'écouter Nine Funerals of the Citizen King, le titre qui conclut l'album Leg End de Henry Cow. Henry Cow sont notre fil rouge ce soir. C'est ce groupe qui va nous accompagner tout au long de cette 22e épisode de la tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with Wound List. On va d'ailleurs clore le chapitre Henry Cow. On y reviendra plus tard. Donc ça, c'est Henry Cow, première période. Leg End, un album, comme je le disais, au petit reflet un petit peu jazzy, très Canterbury Rock, très dans l'ère musicale de l'époque, donc qui sort chez Virgin, qui remporte un certain succès. Et vous verrez que par la suite, Henry Cow changera plusieurs fois son fusil musical d'épaule, et pour notre plus grand plaisir, et on reparlera dans pas très longtemps d'Henry Cow. On va tourner un autre chapitre, on va passer à un chapitre chevelu, si j'ose dire, puisqu'on va partir en Allemagne maintenant, toujours donc dans la lettre H de cette Nurse with Wound List. On retrouve donc le groupe allemand Hairy Chapter, chapitre chevelu. Hairy Chapter, alors que raconter sur eux? Il n'y a pas beaucoup d'infos à trouver sur le net ou ailleurs. Hairy Chapter, à la base, c'est un groupe qui s'appelait Electric Sound, espèce de combo garage psyché, sort un album en 1970, ce qui restera pas dans les mémoires. Hairy Chapter s'articule donc autour de Harry Tilbach à la guitare, Rudolf Oldenburg est à la basse, Rudy Aubold est à la batterie et Harry Hunt est au chant. En 1970, donc, Hairy Chapter sort son premier album sous ce nom-là, un album intitulé Eyes sur un obscur label allemand OPP Worldwide, un album à la pochette assez fascinante. Musicalement, c'est pas plus intéressant que ça. Disons que après avoir écouté Henry Cow, pour le coup, là, on redescend quand même d'un cran. On est vraiment dans la famille du krautrock, là, de ce rock choucroute, un rock psyché très heavy, voilà, comme ça je pourrais un peu définir Hairy Chapter sur tout cet album-là. Mais bon, ça reste un bon album de prog psychédélique, mais bon, pas plus ouf que ça, à vrai dire, surtout quand on voit ce qui pouvait sortir en Allemagne à cette époque-là, des Cannes ou des Amandul 2, dont on a déjà parlé, puisqu'ils faisaient partie de cette Nurse with Wound List. Des caractéristiques de cette liste, c'est qu'on y trouve des groupes aventureux, explorateurs, et on trouve aussi beaucoup de groupes de krautrock allemands qui n'ont pas forcément révolutionné le genre ou fait plus d'expérience que ça dans leur musique. Mais bon, le krautrock en soi était un cri, était une façon de faire de la musique vraiment très spéciale et qui a vraiment tapé dans l'oreille de Steve Stapleton. Ça s'entend dans l'œuvre de Nurse with Wound par la suite, donc on peut complètement comprendre que ce genre soit assez omniprésent dans cette liste. Donc on va s'écouter du krautrock. On va pas écouter cet album-là. On continue un petit peu l'histoire de Hairy Chapter. Donc après la publication de Eyes, album qui marche pas du tout, le batteur Rudy Aubold quitte le groupe. Et un nouveau batteur, hein, la personne de Werner Faust, rejoint donc le line-up. Donc on a toujours quatre musiciens, guitare, basse, chant et batterie, donc pour l'album Can't Get Through, sorti en 1971 sur le label Bacillus. Voilà. Là, on se rapproche. Pouah, c'est compliqué. Ça peut faire penser à Alice Cooper. Il y a du Hammond Hall dedans. Enfin, il y a tout le côté un peu krautrock, très clairement. Le côté un peu guitare d'Alice Cooper. Il y a un petit côté funk aussi par moment. Cet album a été qualifié de débauche de guitare sans inhibition par un magazine allemand Laser's Edge. Et c'est vrai qu'on niveau de la guitare, on ne peut pas dire que notre ami Harry Tidback soit inhibé. Hein. Il en met un petit peu partout. Ça, c'est assez marrant d'ailleurs, c'est Harry Tidback, donc le batteur, et le chanteur, c'est Harry Hunt. Et lui aussi, il en met partout. Et donc, on a deux Harry donc, sur ce Harry Chapter, à se demander s'il n'y avait pas un espèce de jeu de mots avec les prénoms. Ça pourrait presque être Harry Chapter. Et lui, c'est pareil, vous allez entendre, il est complètement habité par ce qu'il chante. Les paroles, ça m'a l'air d'être de l'improvisation complète. Alors, on va voir des paroles un peu, je dirais pas révolutionnaires, mais émancipatrices. Voilà, remise en question du patriarcat, de la famille. Mon père veut faire de moi un homme blanc. C'est un blanc qui parle, hein, mais vous voyez ce que ça peut aussi vouloir raconter comme propos. Et puis, il y a cette chanson-là qu'on va écouter, là, qui s'appelle It Must Be an Officer's Daughter, où là, au niveau paroles, le mec se lâche complètement. Hein, pour le coup, je cite, j'ai envie de te baiser toute la nuit, je veux tenir tes seins succulents dans mes mains, mais surtout, cette phrase savoureuse, je veux voir tes 27 doigts exploser dans mon corps. Je sais pas du tout où il a vu 27 doigts, avec qui il fait l'amour exactement, notre ami Harry Hunt, et puis ça nous regarde pas spécialement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a l'air d'être de la musique sous acide, cette affaire, et je pense que sous acide, ça doit être plutôt appréciable. Qu'est-ce que je peux dire de plus que bah, ce label, la Basilius, c'est un espèce de réponse du gros label, encore un major, c'est Polygram. Voilà, Polygram qui dit, oulala, il faut réagir, il y a du crotrock de partout, il y a des petits labels indépendants qui sortent des trucs assez formidables, il faut que nous aussi on sorte des trucs formidables, donc on va créer notre faux label indépendant, donc Basilius, et on va quand même mettre beaucoup de moyens, ce que je vous disais à l'époque, voilà, ils n'hésitaient pas, les maisons de disques voulaient vraiment pas être à la ramasse, donc s'envoyer vraiment des moyens pour résidence, pour travail, pour studio, à des groupes un peu inconnus. C'était le cas de Harry Chapter qui a bénéficié dans de très très bonnes conditions d'enregistrement pour cet album-là. On leur a même collé un ingé son très très réputé de l'époque, Dieter Dierks, qui était là très très clairement pour les orienter quelque part, pour les orienter justement vers ce fameux krautrock dont je vous parle et qui était vraiment dans l'air du temps et qui passait beaucoup à la radio. Et le mec a vraiment apporté sa touche au groupe à tel point qu'il a même carrément coécrit l'une des chansons. C'est dire, c'est quand même assez rare qu'un ingé son écrive l'une des chansons. Enfin voilà pour Harry Chapter, donc cet album Can't Get Through, sorti en 1900. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je perds mes notes. 1971, voilà. Au moment où Henry Cow, Chris Cutler et John Greaves et Geoff Lee rejoignaient Henry Cow. Et pendant ce temps, en Allemagne, sortait Can't Get Through, le deuxième album de Harry Chapter, dont on va écouter un extrait de suite. Donc, It Must Be an Officer's Daughter. Donc, si vous tendez l'oreille, vous écouterez que, voilà, je veux tes 27 doigts qui explosent dans mon corps. Donc, c'est parti. On laisse la parole à Harry Chapter. Yeah. It. Ah, bien sûr. It must be an officer's daughter. Apparemment, c'est, ça doit être la fille d'un flic. En tout cas, Harry Hunter s'en donne à cœur joie avec ses. Je m'en remets pas, moi, de cette histoire des 27 doigts qui explosent dans le corps d'Harry Hunter. Donc, vous venez d'écouter Harry Chapter, donc un extrait de l'album Can't Guess Show. Pourquoi on a écouté Harry Chapter ? Parce qu'ils font partie de la Nurse with Wound list, à la lettre H, qui nous intéresse ce soir. Que dire de plus sur Harry Chapter ? Ben, rien, en fait. En vrai, cet album-là ne marchera pas spécialement plus que les albums précédents, en fait, que l'album précédent. Et le groupe se dissoudra dans l'anonymat le plus total et le plus complet. Oui, mais non, pas tout à fait, parce que c'est souvent le cas avec la Nurse With Wound List. C'est-à-dire que l'anonymat, ils en sont sortis quand cette liste est devenue célèbre. Et maintenant, voilà, cet album est un espèce de must-have pour les collectionneurs de krautrock. Moi qui ne suis pas aussi féru de krautrock, qu'un collectionneur, je lui trouve pas spécialement de charme. C'est une bonne photographie de l'époque, mais on peut entendre beaucoup mieux. Il y a des choses beaucoup mieux qui se faisaient en Allemagne à l'époque, à mon goût. Donc, je vous conseille pas forcément d'aller plus loin dans l'exploration de ce groupe Harry Chapter et dans cet album Can't Get Through. Si vous êtes bon fan, si vous avez écouté si vous avez aimé ce qu'on vient d'entendre, il y a toujours des bonnes âmes qui auront mis ça sur YouTube. Il y a peut-être un mix Cloud, un SoundCloud ou un Bandcamp pour écouter l'album de Harry Chapter. Au pire, ça se trouve sur YouTube. Et voilà, si vous êtes amateur, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas plus amateur que ça. Donc, je vais abandonner le chapitre chevelu. Nous allons revenir à nos moutons. Nous allons plus précisément revenir à notre vache, à Henry Cow, qui est le fil rouge. On les a laissés donc sur l'album Leg End tout à l'heure, là, enregistré par la maison de disques Virgin, dans le manoir de Virgin, hein, les gars. Installé 3 semaines. Vous faites ce que vous voulez. Vous composez, vous écrivez, vous sortez, vous faites des re-re, etc. Vous avez carte blanche. Hein. Encore à l'époque, on laissait beaucoup, beaucoup de moyens à des musiciens audacieux. Puis tant mieux, parce que mine de rien, les instruments étaient plus chers. C'était plus compliqué que maintenant de pouvoir créer et surtout de pouvoir matérialiser sa création musicale. Et tant mieux, parce que ça nous a donné ce Leg End qui est vraiment un album de légende, si je peux me permettre de boucler la boucle du jeu de mots. Que dire de plus ? On est en 1973 dans une tournée aux Pays-Bas, quand Jaf Lee, le saxophoniste, décide de quitter le groupe. Et donc du coup, là, nos amis devenus quartet se disent que ça serait bien de remplacer ce soufflant, mais au lieu de chercher un saxophoniste, ils se tournent vers une bassoniste oboïste, en la personne de Lindsey Cooper. Et là, c'est un des virages. Je vous ai dit que ce groupe avait amorcé beaucoup de virages. C'est un des grands virages de Henry Cow, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du rock Canterbury de l'époque Leg End pour rentrer dans ce qu'on appellera plus tard le rock de chambre, ou même un des styles reconnaissables du rock in opposition, à savoir d'aller chercher ses influences, de se délester des influences américaines, si j'ose dire, le jazz, en allant plutôt chercher dans la musique classique, surtout les compositeurs modernes russes, par exemple. Shostakovich, Stravinsky, par exemple, sont des groupes, sont des musiciens, qui ont eu beaucoup, beaucoup d'influence sur le rock des années 70, par exemple Magma, mais Henry Cow aussi ne sera pas à la traîne en matière d'influence. En tout cas, voilà, le son d'Henry Cow part de ce côté jazz que vous avez entendu tout à l'heure, ce petit côté un peu zapaïen, pour partir vers ce qu'on a appelé le rock de chambre. Et on peut rajouter à ça que, je vous l'avais dit, Henry Cow est un groupe qui, quand il compose sa musique, cherche à composer compliqué, plus compliqué que ce qu'ils savent jouer eux-mêmes pour s'améliorer, pour aller chercher des pistes, pour vraiment créer de la musique. Et c'est un des petits paradoxes justement de cet album Unrest, qui sort en 1974. Alors pareil, allez les gars, il y a le manoir Virgin qui est ouvert, allez-y les gars, les filles d'ailleurs, puisque Lindsey Cooper rejoint le groupe à ce moment-là, allez-y, vous avez carte blanche. Mais il rentre en studio en 74 pour enregistrer donc ce deuxième album Unrest, avec seulement la moitié des morceaux écrits, très très écrits même. Et c'est un des joyeux paradoxes de l'album Unrest. On a une face A qui est très écrite et une face B qui est complètement dévolue à l'improvisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'écouter un des titres de la face A. On va s'écouter Ruins. très très bon exemple de, des techniques de composition avancées ou même inventées par, par Enrico, puisque là pour le coup il s'inspire de l'Oulipo pour écrire un palindrome, du moins le thème de Rins, c'est un palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans les deux sens. Alors, moi qui ne suis pas musicien à l'oreille, je ne l'ai jamais repéré ce palindrome. Par contre, bon, juste repéré que le morceau Ruine, c'est une petite merveille. Il y a un groupe japonais plus tard, très influencé par Enrico, qui s'appellera Ruins. Probablement un point commun. En tout cas, voilà, on retrouve donc Enrico en 1974 sur l'album Unrest. On va s'écouter donc le titre Ruins. Donc toujours les mêmes musiciens, Fred Frith à la guitare et au violon, Tim Hodgkinson à l'orgue et au saxo. Je ne crois pas qu'il fasse de saxo dans cet album d'ailleurs. Chris Cutler, l'excellent Chris Cutler à la batterie, toujours John Greaves à la basse, et c'est Lindsey Cooper qui complète le quintet avec son basson. On va s'écouter une pure merveille qui s'appelle Rinse et on se retrouve tout à l'heure. Thank you. Et non, ce n'est pas un fade-out, hein, c'est le musicien qui joue de plus en plus bas. Vous écoutez Radio Radio, il est 21h59, bientôt 22h sur Radio Radio. Vous nous écoutez sur 106.8 FM, à moins que vous ne nous écoutiez sur nos amis, chez nos amis de Bram FM dans la Corrèze, auquel cas, il est à peu près, je crois qu'il commence à 22h30, donc il doit être 23h30, un truc comme ça. Bon, en vrai, je pense que vous avez les moyens d'avoir l'heure sans qu'on vous la lise. D'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez par les podcasts, sur la page Mixcloud de Vraiment Autre Chose, sur le blog de Vraiment Autre Chose au Effort, ou sur la page Mixcloud de Radio Radio, auquel cas, il est à peu près la même heure qu'il était quand vous avez commencé cette écoute, avec 58 minutes 39 de plus. Voilà pour les petites précisions. Et aussi pour vous rappeler que les épisodes précédents de Vraiment Autre Chose et les épisodes précédents de Au pied de la lettre, tentative d'exploration de la Nurse with One List, ils sont disponibles sur Internet et que je vous invite grandement à les écouter. Il y a une autre émission d'ailleurs de Vraiment Autre Chose que je vous invite à écouter, c'est l'émission 19 qui s'appelait La Nuit du Rock in Opposition, sur laquelle je me suis beaucoup arrêté sur le groupe Henry Cow. Et je ne vais pas vous mentir, ce que je vous raconte maintenant, c'est à peu près ce que j'ai raconté il y a 6 ans quand on était en studio avec Stéphane. J'ai pas plus de connaissances depuis, c'était à peu près les mêmes morceaux, mais après par contre l'émission développe sur le thème du mouvement Rock in Opposition, mouvement fondé par Henry Cow, on y reviendra tout à l'heure, là on est en 74 et c'est l'album Unrest, on vient d'écouter le titre Ruins avec son thème palindrome si vous l'avez repéré, je vous félicite, vous avez une meilleure oreille que la mienne. Que dire de plus? Ah oui, je vous racontais donc pareil, beaucoup de moyens donné par Virgin, qui à l'époque est une maison de disques aventureuse et généreuse au niveau des conditions de travail pour les musiciens et les musiciennes, ce qui lui aura valu de sortir des hits. Je pense par exemple au Tubular Bells de Mike Oldfield, c'est pareil, le gars est inconnu, gros budget, etc. Finalement, un album qui aura cartonné, qui aura vraiment marqué son temps. Et d'ailleurs, il est notable, je ne parle pas de Mike Oldfield pour rien, parce que Mike Oldfield, on le retrouve dans le premier album de Robert Wyatt, aux côtés de Fred Frith, d'ailleurs. Et Mike Oldfield a enregistré une live session de Tubular Bells avec des musiciens, et notamment les musiciens d'Henry Cow, qui sont passés dire bonjour dans les studios de Virgin et participer à cette fête-là. Mais là, je reviens en 74, donc ils sont dans le manoir Virgin, mais ils n'ont écrit qu'une face, en gros, mais bien écrite, comme vous avez pu l'entendre avec ce Ruins. Mais au niveau de la face B, sort encore un autre virage, une autre facette d'Henry Cow qu'on n'avait pas entendu s'exprimer par disque jusqu'alors, c'est le goût pour l'improvisation. C'est vraiment quelque chose qui va les marquer, ils vont vraiment se jeter à corps perdu dans la chose improvisée. Donc quand je parle d'improvisation, je ne parle pas d'improvisation comme par exemple on pourra en parler pour King Crimson, qui va déstructurer ses morceaux en live, les faire durer plus longtemps, rajouter des plans, etc. Eux, ils sont plutôt adeptes de on fait un morceau composé, un morceau complètement improvisé. J'en veux pour preuve donc la face B de cet album, Unrest, on est en 74, donc on va s'écouter le titre Upon Entering the Hotel Adlon, titre issu d'une improvisation, pour être précis, ils ont improvisé en studio, il en est resté des choses, on va essayer de plus ou moins recréer ce qu'on a improvisé, et donc on va s'écouter Upon Entering the Hotel Adlon, toujours Henry Cow, c'est toujours le même groupe que tout à l'heure. Et bim, comme on dit de par chez nous, c'était Enrico Upon Entering the Hotel Alien, donc un extrait de l'album Unrest, le deuxième album d'Enrico. On était en 1974 et c'est donc sorti chez Virgin. Enrico est notre fil rouge, mais nous allons aussi parler d'autres groupes de la lettre H de cette Nurse with One List. Et on va passer maintenant à un groupe italien qui enregistre son album en Allemagne, avec des paroles en anglais, c'est l'Europe, voilà. Alors, il s'appelle Hiro, enfin, à la base, il ne s'appelle pas. À la base, il ne s'appelle pas, c'est un guitariste, Massimo Pravato, originaire de la région de Venise, qui joue dans des groupes de la région de Padoue, The Bards Group et Midelfini, par exemple. En 1970, il rejoint un groupe d'Udine, qui s'appelle Upupa, et qui comprend entre autres un claviériste d'origine anglaise, Robert Deller. Il joue avec eux pendant quelques années jusqu'à ce que le groupe se sépare, et Robert Deller et Massimo Pravato, par contre, continuent à jouer ensemble. Ils rencontrent un batteur, Umberto Maschio, qui est également de Padoue, et donc ils forment leur trio sans nom. D'ailleurs, c'est un trio sans nom, quand le groupe finit par déménager en Allemagne, parce qu'ils arrivent à choper une résidence dans un club munichois, grâce au père de Deller, du claviériste Robert Deller. Et donc, ils enregistrent un album en 1972 grâce à un obscur contact avec un groupe de musique pour enfants, mais qui possédait aussi un label, le label Pan. Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'en Allemagne, il y avait énormément de micro-labels qui sortaient des disques, et que même les gros labels ont essayé de rattraper un peu la machine plus tard avec leurs moyens, mais ils étaient quand même passés à côté de l'essentiel. Bon, je dirais pas, en parlant de Hiro, qu'il s'agissait vraiment, vraiment de l'essentiel. Groupe plutôt sympathique, musique quand même assez krautrock, hein, très dans l'air du temps de l'Allemagne. Et en même temps, on reconnaît très bien la petite pointe britannique du claviériste. Du reste, j'imagine que ces musiciens-là devaient être assez proches de l'école de Canterbury dans leurs écoutes, parce qu'on a aussi un petit peu ce son-là. On peut y entendre par moments aussi quelques petites influences de la musique contemporaine. Quand je dis contemporaine, je veux dire contemporaine de 1970, classique. On peut même l'école russe un petit peu par moments sur certains passages. Le tout forme un melting pot qui n'est pas désagréable à l'écoute, mais que je ne qualifierais pas non plus d'essentiel. L'album sort en 1973, il s'appelle Hiro, pareil, hein, Hiro donc comme un héros en anglais. Alors à noter quand même que le guitariste, hein, celui qui est à l'origine de la création de ce groupe là, Massimo Pravato, décède dans un accident de voiture un an avant. Voilà, ils enregistrent l'album en 72, voilà, c'est ça. Massimo Pravato décède en 73 et l'album sort en 1974, l'album Hiro, donc sous le label Pan. On va s'écouter le titre Knock. Thank you. tracks. I feel her heart beating inside. Embracing with my blue compressor while trying to realize if today I even exist. Fragments of steel burn on my head, span all the skin through the blue corridor that draws my spine. The winds of steel and sin roving in the overflowing containers. Et là, on retrouve un bon vieux fade-out de studio. Et ça, ah ça, les amis, vous savez que c'est ma marotte. Que dire de plus sur cet album de Hero ? Bah, je crois que tout est un peu contenu dans ce morceau-là. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a des plans quand même bien sympas. Il y a des plans vraiment datés. Et puis, surtout, on ne peut pas dire qu'on ait affaire à des musiciens d'une dextérité extraordinaire, en fait. Et ce qui fait que bah, les plans datés, ils font vraiment datés. On ne peut même pas s'accrocher à un bon riff de guitare bien lancé ou à un jeu de batterie en ballant. C'est un petit peu les limites de ce groupe-là, ce qui fait qu'il ne restera pas dans les annales. Néanmoins, sa présence dans la Nurse With Wound List lui a valu une ressortie et lui vaut d'être encore connu à ce jour et lui vaut de passer dans vraiment autre chose. Pour le reste, l'album Hero n'est pas désagréable. Il y a même certains passages qui sont carrément emballants, mais voilà, dès que c'est emballant, bim, juste derrière, il peut y avoir des passages vraiment, vraiment lourds. Du coup, je vais m'arrêter là pour l'écoute de cet album Hero, donc sorti à titre posthume. Bon, et bien évidemment, après le décès du guitariste, vous imaginez bien que le groupe n'a pas survécu à cet album-là, qui d'ailleurs n'a pas rencontré le moindre succès à l'époque. On s'était sorti sur un label obscur, c'était pas distribué. Bah forcément, qu'est-ce que tu fais ? Tu vends des albums au concert, mais bon, il n'y a pas de concert puisqu'il n'y a pas de guitariste. Bref, le groupe Hero n'ira pas plus loin que cet album éponyme, sorti donc en 74 chez cet obscur label panne. On va revenir à nos moutons, on va revenir à notre vache, c'est le fil rouge de la soirée, c'est Henri la vache, c'est Henry Cow. On les a laissés donc sur l'album Unrest en 1973, si je ne m'abuse, je finis par mélanger mes dates avec tous ces groupes et toutes ces sorties d'albums. On les a laissés sur leur deuxième album Unrest. Par la suite, il y a beaucoup de tournées, notamment en première partie de Captain Beefheart, tournées principalement en Europe, hein, c'est vraiment là que la musique d'Henry Cow touche un certain public. Tournées assez fréquentes dans le sud de la France, une amitié se crée notamment entre le Carmousin, entre Carmo et Henry Cow notamment, et pas mal d'autres groupes d'ailleurs de ce mouvement qu'on appellera le Rock in Opposition par la suite, et du reste, un festival nommé Rock in Opposition, naîtra à Carmo dans les années 90, mais c'est une autre histoire. Qu'est-ce que font nos gentils Henry Cow? Donc ils partent en tournée, ils finissent par virer Lindsey Cooper, parce que tout bêtement, ils en avaient marre de jouer des compos et que Lindsey Cooper, c'était pas vraiment une improvisatrice, c'était vraiment par contre une excellente compositrice. Et je vous renvoie avec plaisir, mais je vous recommande vraiment l'écoute des albums solo par la suite de Lindsey Cooper ou d'autres projets qu'elle a pu avoir, comme News from Babel par exemple, où ses musiques de films et musiques de théâtre qui sont vraiment, vraiment, vraiment fabuleuses. C'est très très grande compositrice, Lindsey Cooper, mais pas forcément une improvisatrice. Donc en fait, ils sont là en tournée, puis au bout d'un moment, ils se disent, on est un groupe de rock de base en fait, on fait juste tous les soirs le même concert, à jouer tout le temps nos compos, il y en a marre, on a envie de faire plus d'impro, et du coup, au revoir Lindsey, et on finit la tournée en mode on va improviser tout le temps, ou même certaines improvisations vont donner par la suite naissance à des vrais morceaux, mais en tout cas voilà, l'improvisation devient vraiment le fer de lance de Henry Cow à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il décide de faire un truc qui est quand même assez rare dans l'histoire du rock, c'est-à-dire de fusionne avec un groupe allemand du nom de Slap Happy. Chose assez rare, hein, ils se rencontrent le temps d'une tournée. Slap Happy, c'est un groupe de, je dirais, folk song avec un petit peu de bizarrerie et d'étrangeté, mais pas trop, mais un petit peu quand même, pour le coup, très agréable. Donc c'est encore un tournant pour Henry Cow que la rencontre avec ses musiciens de Slap Happy, se retrouve très nombreux en studio et sur scène. Et donc sortent deux albums coup sur coup, je crois à 8 mois d'intervalle avec Slap Happy. Donc le premier c'est Desperate Straits, qui est carrément, je crois, quasiment que des compos d'ailleurs de Slap Happy, réarrangés à la sauce Henry Cow Slap Happy. Et par la suite sort un album aussi qui fera date dans la carrière de Henry Cow, et qui est nommé In Praise of Learning, donc en route vers l'apprentissage, un truc comme ça. C'est vraiment de l'anglais traduit à la truelle. Tournant capital pour ce groupe qui était jusque-là quasiment instrumental, parce qu'au sein de Slap Happy, on retrouve une chanteuse, pas n'importe quelle chanteuse, Dagmar Krause qui a une voix vraiment fabuleuse et qui entraîne Henry Cow encore vers un autre propos qu'il n'avait pas jusque-là, c'est-à-dire la chose textuelle. On a entendu tout à l'heure les Nine Funerals of the Citizen King, tiré de leur premier album, qui était le seul morceau chanté de cet album-là, c'était tous les musiciens qui chantaient, et il y avait déjà dans cette histoire de funérailles du roi citoyen une espèce de bonne remise en question de la monarchie britannique. C'est un truc qui ne quittera pas les Henry Cow. Ce sont des militants d'extrême gauche. On est dans les années 70, on pense changer le monde, et Henry Cow pense même pouvoir changer le monde en changeant la musique. C'est un petit peu ça le propos, et ce sera aussi un des piliers de ce qu'on appellera le Rock in Opposition. Voilà, pour situer un petit peu ces musiciens-là, donc on a affaire à des marxistes ou anarchistes, enfin il y a un mélange, en tout cas c'est de la bonne extrême gauche comme on l'aime. Et ça s'entendra particulièrement du coup dans cet album-là, In Praise of Learning, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes sublimés par la voix incroyable de Dagmar Krause. Hein. Je tease un peu, comme disent les jeunes, mais vous allez voir vraiment là, si vous ne connaissez pas la voix de Dagmar Krause, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Et du coup, voilà, par la voix de Dagmar Krause, un propos radical, plus seulement musical, mais aussi textuel, avec une dénonciation de l'inhumanité du système système capitaliste et marchand, un appel au soulèvement des masses. Voilà, ce sont des gens qui veulent changer le, voilà, je vous disais, changer le monde en changeant la musique. On organise énormément de concerts de soutien, notamment aux mineurs anglais. D'ailleurs, sur la pochette de In Praise of Learning, il y a une phrase d'un poète qui s'appelle John Grierson. Et la phrase, c'est « Art is not a mirror, it's a hammer ». L'art n'est pas un miroir, c'est un marteau. C'est pas un miroir pour refléter la beauté du monde, c'est un marteau pour pouvoir le casser et le transformer. Voilà, c'est vraiment ça la démarche et le propos politique de Henry Cow, comme on va l'entendre dans le titre « Fleuve »,« Living in the Earth of the Beast », titre écrit au début, c'était composé comme un instrumental, c'est un truc qui faisait 45 minutes de Tim Hodgkinson, il a finalement réduit à une quinzaine de minutes, et forcément qui dit rencontre avec Slapapi et arrivée de Dagmar Krause dit il va falloir écrire des textes, et ça tombe bien, le bonhomme avait beaucoup beaucoup beaucoup de choses à raconter et à lâcher dans des textes, et pour le coup je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais en tout cas vous allez entendre beaucoup, beaucoup de... Ah, punaise, parce que j'avais pris des notes quelque part, mais je sais plus où est-ce que j'avais écrit ça. En tout cas, bon, il y a des citations marxistes, il y a des citations de Mao Tse-tung, il y a pas mal de phrases aussi issues du situationnisme. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un peu défoncer le monde par ce texte-là, par tous les textes d'ailleurs de cet album-là. C'est un album extrêmement revendicatif. Donc voilà, c'est une nouvelle pierre rajoutée au jardin des Henry Cow, en dehors du fait de bousculer la musique, ils veulent aussi bousculer le monde, bousculer la société pour notre plus grand plaisir. Donc on va s'écouter ce titre, Living in the Earth of the Beast. Je vous laisse un bon quart d'heure en compagnie d'Henry Cow et Slap Happy, puisque voilà, c'est ça le nouveau line-up. Je vais vous reciter le line-up. Donc on retrouve toujours les Henry Cow, Tim Hodgkinson, donc toujours à l'orgue, clarinette et piano sur cet album-là, Fred Frith, guitare, violon, xylophone et piano, John Greaves à la basse mais au piano aussi. Lindsay Cooper, elle est revenue, bah ouais, on recompose, on réenregistre, donc voilà, on n'est plus, il n'y a plus cette obsession de l'improvisation, donc Lindsay Cooper fait son retour pour notre plus grand plaisir sur cet album studio au basson et à l'obo, et au hautbois, pardon. Chris Cutler, lui, toujours tient la batterie. Les musiciens de Slap Happy, c'est Dagmar Krause, donc, qui est crédité en tant que Dagmar dans cet album d'ailleurs. Dagmar Krause à la voix. Peter Bleg, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom. Peter Blegvad est à la guitare et à la clarinette. Il tient la voix sur un titre. Et enfin, Anthony Moore est à l'électronique, aux cassettes et au piano. Rajoutez à ça trois musiciens additionnels, Phil Beck à l'oscillateur, Mongezi Feza, l'excellent Mongezi Feza à la trompette, lui qu'on avait découvert dans l'album de Robert Wyatt, Rock Bottom, et Geoff Lee, lui aussi fait son grand retour, lui qui était là sur le premier album, fait son retour au saxophone soprano. J'ai beaucoup parlé, mais il va y avoir beaucoup de musique, alors c'est bien, ça équilibre. Et ben, régalez-vous bien, je vous laisse un petit quart d'heure dans dans le cœur de la bête, là où nous vivons, avec donc Henry Cow, donc tiré de l'album In Praise of Learning, toujours sorti chez Virgin. Ce sera le dernier album studio sorti chez Virgin. On en rediscutera tout à l'heure. We'll be right back. her smiling, he held a wine glass, describing his sadness. Whispered into earphones. Born to serve you all our bloody lives. Laboring tongues we give rise to. Thank you. We'll be right back. Ah là là, si elle est cool, la zik. Si elle est cool. Alors, ce qu'on a entendu à l'instant, c'était Living in the Heart of the Beast, tiré donc de l'album In Praise of Learning. Oh là, on se calme. In Praise of Learning, donc album de Henry Cow, qui sont notre fil rouge ce soir, puisque nous sommes toujours en train d'explorer la Nurse with Wound List en votre compagnie. Donc on en est à la lettre H, qu'on va en finir avec le H, c'était un petit peu le but de cette soirée, la thématique, et finissons-en avec le H. Et donc, on découvre la deuxième partie des groupes, commençant par la lettre H de la Nurse with Wound List. Nous avons un fil rouge autour de Henry Cow, dont on vient d'entendre à l'instant donc un titre magnifique à rallonge. Tout l'album est de à peu près de cette couleur-là. Vous l'aurez bien compris que Henry Cow n'est pas un groupe qui garde vraiment sa couleur. Il y a des différences d'écriture et de composition entre ce qu'on a entendu de Leg End, de Unrest, avec son côté rock de chambre ou musique improvisée. Et là, on part encore vers autre chose, vers de l'opéra rock in opposition. Enfin, c'est assez fabuleux, hein. La voix de Dagmar Krause y est pour beaucoup. Elle apporte une personnalité, moi, je trouve vraiment extraordinaire. Voilà, que dire de plus? C'est l'album In Praise of Learning, c'est un de leurs meilleurs. Enfin, tous les albums sont bons. À vrai dire, c'est presque leur dernier album en studio, mais on y reviendra plus tard. Je continuerai à vous raconter un petit peu l'histoire de Henry Cow. Là, on va passer en France. On va passer en France avec un petit bijou caché, si j'ose dire. Voilà, le genre de groupe qui ont une deuxième vie grâce à la Nurse with Wound List. Sinon, ça serait passé complètement obscur. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Erratius. Ils nous viennent de Montpellier. Il n'y a quasiment pas d'infos à ce sujet, donc je ne vais pas pouvoir vous raconter grand-chose. Donc, à la limite, ce que je vous propose, c'est d'écouter le titre qui ouvre l'album. L'album s'appelle Gwendoline. Le titre s'appelle Taj Mahal Coco. On a affaire à un trio montpelliérain, une musique inqualifiable, d'autant qu'elle est très changeante. Je peux pas vous mettre un morceau qui représente l'album parce que l'album lui varie beaucoup, il est plein de surprises. C'est pas un album essentiel, mais franchement c'est une écoute très agréable que la découverte de ce Gwendoline de Erratius. On fait donc une petite pause avec ces montpelliérains et on s'écoute le titre Taj Mahal Coco. Ta chasse masturbe au vent. Laissez les peintres de côté pour une fois, messieurs dames. Les bananes aussi. La morphine, l'héroïne, l'acide. Et aussi les ascenseurs à l'envers. Pour une fois, remettons le monde sans dessus dessous. Lâche mal, coucou, le sang coulé sur la chaise. Ses paupières sont baissées. L'azimut peut, grâce à la boussole, se mesurer sur le terrain sans carte. Et la connaissance de l'azimut permet de se diriger sur le terrain sans carte. Cassana est la belle, s'en est allée. Toute dame vêtue. À la recherche de Cathy. N'allez pas croire qu'elle vogue à la dérive. Mais aussi, elle m'aime. Si le voyage lui plaît, oui ou non. Elle décide elle-même si elle a envie d'en finir avec sa vie. Gwendoline, Gwendoline, Gwendoline. Ses jambes d'hémoglobine ont fini par séduire le divin marquis. Il a torturé en silence petite préférence pour ses veines si tendres. C'était donc Gwendoline, enfin c'est le nom de l'album, Gwendoline. C'est un personnage qui revient au fur et à mesure des textes de Erratius. Donc on est à Montpellier, on est en 1978 quand on sort cet album sur le label FLVM, si je dis pas de bêtises, encore un label obscur pour un groupe obscur qui probablement se serait perdu dans les limbes de l'oubli s'il n'y avait pas eu la Nurse with Wound List. Et on peut l'en remercier parce que cet album comporte pas mal de moments assez savoureux, beaucoup de surprises. C'est vrai que les morceaux ne se ressemblent pas, il y a toujours cette espèce d'omniprésence du texte. Musicalement, bah moi ça me renvoie pas mal à Étrons fous le loup blanc, à part qu'Étrons fous le loup blanc se crée à peine en 78. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose un peu dans ces textes, un petit peu dada, un petit peu surréaliste. Tu peux scander un petit côté punk aussi, musique à tiroir. Il y a aussi un côté blues assez prononcé qui leur a valu d'être qualifié de Faust français par Chris Cutler. Je ne sais pas trop qui avait demandé son avis à Chris Cutler et comment Chris Cutler d'ailleurs est arrivé à avoir dans les feuilles la musique d'Erratius. Toujours est-il qu'il l'a eu dans les feuilles et qu'il a dit « Ah ouais, c'est carrément les Faust français ». Erratius ne sortira pas d'autres albums d'ailleurs, à part celui-là. Les musiciens auront une petite carrière. Je pourrais peut-être les citer, les musiciens, ce serait quand même la moindre des choses. Les musiciens, musiciennes d'ailleurs, soit dit en passant, parce que c'est Florence Leroy qui fait les effets du chant, bon, on l'a pas entendu dans d'autres titres, on l'entendra, percussion, piano, orgue et farfisa. Robert Diaz l'accompagne au saxophone, clarinette, piano et cassette. Et Armand Miralles, guitare et voix. Voilà, et les trois sont crédités à la composition. Je vous aurais bien raconté pendant des heures et des heures l'histoire passionnante de Erratius, mais il n'y a pas moyen de trouver des infos sur ce groupe-là. Donc je vais juste me contenter de vous raconter ce que j'ai ressenti à l'écoute de cet album, ce que je viens de faire, voilà, quelque chose d'assez surprenant, d'assez plaisant. On va s'écouter maintenant deux titres enchaînés qui ne s'enchaînent pas dans l'album, hein, je me permets de faire mon petit mix, mais j'ai une petite tendresse pour le morceau 8, Le vieil homme et Néfertiti, une espèce de petit instrumental d'une minute assez savoureux, et ensuite on écoutera Gwendoline Electrochoc, toujours la suite des aventures de cette Gwendoline. Et là, je pense qu'après l'écoute de ces trois morceaux, vous aurez une bonne idée du son de Erratius. Pour le reste, pour le coup, contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment sur d'autres groupes, ça je recommande. Hein. L'écoute, c'est pas du tout une perte de temps, c'est très agréable. Cet album s'écoute tout seul. Je sais pas si on a envie d'y revenir 20 fois, mais la première fois, elle est vraiment très bien, donc ça vaut le coup. C'est pas du temps perdu. Encore merci à Steve Stapleton d'avoir sorti ce groupe de l'oubli dans lequel il était destiné à sombrer. Et donc on va s'écouter, donc enchaîner deux titres qui ne s'enchaînent pas, comme quoi Le vieil homme et Néfertiti enchaîné avec Gwendoline Electrochoc. Donc c'est toujours le groupe Erratius, l'album Gwendoline. On est en 1978. C'est la Nurse with Wound List. C'est la lettre H. Étant à un certain point sur le terrain, supposons que l'on veuille mesurer l'azimut de la direction formée par le point de station et un point quelconque du terrain, un arbre isolé par exemple. Après avoir débloqué l'aiguille, faire tourner la boussole jusqu'à ce que la graduation zéro vienne se placer à 11 degrés, déclinaison à droite de l'aiguille aimantée. Nous dirons que dans cette position, la boussole est déclinée. Yeah. Voilà pour ce le Gwendoline Electrochoc, le deuxième titre de l'album Gwendoline du groupe Eratius. On est à Montpellier en 1978. Il est bientôt 23h sur Radio Radio. Vous écoutez toujours vraiment autre chose, la petite émission musicale d'obédience progressive. Et c'est notre grand feuilleton au pied de la lettre. C'est l'épisode 22. Il est consacré, donc, ce feuilleton à la Nurse with Wound List. Nous explorerons tous les groupes par ordre alphabétique de cette liste établie par Steve Stapleton et John Fogerty et les musiciens du groupe Nurse with Wound dans leurs deux premiers albums. C'est les influences majeures qui les ont amenés à devenir musiciens et à faire de la musique. Et ma foi, vous en rendez compte ce soir, nos compères avaient plutôt bon goût. On fait un très très beau travail d'archivage, si j'ose dire, parce que voilà, ces groupes-là, eh ben, certains ne seraient pas entendables maintenant à la radio s'il n'y avait eu cette liste qui a entraîné un engouement, une envie d'écouter, une envie de découvrir des rééditions. La plupart des choses ont maintenant des bandcamp. C'est pas le cas de Stératius. Hein. Vous avez entendu le son, il est old school, il y a quand même pas mal de souffle. Ben, c'est l'enregistrement au petit moyen. Celui-là n'a pas bénéficier d'une ressortie, d'un remaster ou quoi que ce soit. On l'écoute dans son jus. Ça reste un voyage hyper sympathique et un album vraiment que je recommande. Ouais, on n'est pas à la hauteur de Henry Cow, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus notable et agréable que les Harry Chapter ou Hero dont on a parlé tout à l'heure. Henry Cow, c'est le fil rouge de notre soirée. On les a laissés donc avec cette formation fleuve réunissant deux groupes, réunissant Henry Cow et Slapapi plus quelques copains appelés pour intervenir dans l'album. C'était In Praise of Learning. Là arrive une date assez importante dans la carrière d'Henry Cow, en 76, 77, je ne sais plus. En fait, ce n'est pas tellement la date qui est importante que ce qui s'y est passé. À ce moment-là, Henry Cow, donc, comme je vous l'avais dit, c'est un groupe qui multipliait les concerts et qui triturait sa musique, voire se prêtait volontiers à l'improvisation libre en concert. Et donc, du coup, ils se disent tout à fait justement, ça serait bien qu'on fasse une empreinte un petit peu aussi de ce qui a pu se passer en concert, un live album, quoi, en quelque sorte. Et là, donc, ils compilent des enregistrements faits sur diverses tournée pour sortir l'album Concerts. Leur premier album live, ils le proposent à Virgin et c'est là où le bas blesse, parce que Virgin refuse de sortir l'album et propose une sortie sur un de leurs obscurs sous-labels. Donc là, c'est terminé la fête, c'est terminé le manoir Virgin, le temps d'enregistrement, c'est terminé un petit peu de laisser des hauts moyens. Et c'est général, en fait, de toute façon, c'est un moment où, selon la formule de l'excellent Émeric Leroy, donc je vous conseille la lecture de ses livres chez Le Mot et le Reste, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup écrit sur la musique, pas spécialement sur le rock in opposition, hélas, mais sur les musiques progressives. En général, il a une très bonne formule pour situer ce moment précis de la musique et du label Virgin. Il dit que ce sont les directeurs commerciaux qui ont remplacé les directeurs artistiques. Mais c'est vraiment ça. À ce moment-là, il y a eu un espèce de crash pétrolier. Donc le plastoc, ça coûte beaucoup plus cher. Les vinyles, c'est fait à base de pétrole, quoi, quelque part. Et du coup, il s'en ressent que là... faut du succès. Puis bon, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui cartonnent bien. Je vous parlais de Michael Field, par exemple, qui avait hyper bien cartonné. Puis c'est l'époque d'un rock progressif tout puissant. Des groupes comme Genesis, Pink Floyd, Yes, qui font des concerts dans des stades, des trucs un peu... Voilà, ça occupe majoritairement les bandes FM de l'époque. Et il n'y en avait pas autant que maintenant des bandes FM. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de choses comme ça. C'était assez compliqué pour un groupe rejeté par une maison de disques ensuite de vraiment exister. Je vous ai beaucoup parlé de micro-label, et je vous ai aussi beaucoup dit que il y a des groupes dont on n'aurait jamais entendu la musique maintenant s'il n'y avait pas eu la liste. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y allait avoir la liste. Donc, toujours est-il que Henry Cow donc, se retrouve un peu de tèche par Virgin pour la sortie de cet album-là. Du coup, ils le sortent sur un espèce de sous-label de Virgin avec extrêmement peu de moyens. Vous allez entendre, le son est un poil rustique, mais bon, la musique est tellement belle que ça va, ça passe. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça leur appuie encore plus l'envie de sortir du système capitaliste. Et ils décident donc de se créer en collectif avec des groupes rencontrés au fur et à mesure de leur tournée, avec qui ils partagent des idées soit politiques, soit musicales. festival et donc crée un festival qui s'appelle le Rock in Opposition, le fameux Rock in Opposition, en opposition justement à l'industrie marchande de la musique. L'idée, c'est un festival qui est organisé en Angleterre, et par la suite il y aura un autre festival en France, il y en aura un en Italie, il y en aura un en Belgique, parce que les membres de les cinq groupes de Rock in Opposition, donc c'est bien sûr Henrikau, les Samlamamas Mana, les Suédois, dont je suis particulièrement féru et qui sont notre générique habituel quand on ne parle pas de la Nurse With One List, Univers Zéro, les Belges, les Italiens de Stormy Six, très très très communistes, très politiques aussi dans leurs propos, peut-être un peu moins aventureux que les autres, mais très politiques. Et j'oublie les Français de Étrons Fous le Loup Blanc, donc que j'ai cité tout à l'heure dans les groupes qui pouvaient faire penser à Eratus, où là on est sur du punk, jazz, dada, pareil, avec une bonne idée de vivre, comment dire, à l'écart de la société. Et c'est ça, Rock in Opposition, on s'organise, c'est un collectif en fait, c'est tout bêtement un collectif, on s'organise des tournées les uns les autres, on s'arrange pour s'aider sur les sorties d'albums, on se distribue les albums dans le pays les uns les autres. On a donc un groupe suédois, un groupe belge, un groupe italien, un groupe anglais, un groupe français, donc ça s'organise des tournées, etc. Notamment à Carmo, et c'est pas pour rien que Michel Bessette, qui était co-organisateur des concerts à Carmo, qui était l'adjoint de, je crois qu'il s'appelait Michel Glaise, qui était voilà, le grand organisateur des concerts à Carmo de l'assaut Tartempion. Et donc, bref, son second, Michel Bessette, qui va continuer à organiser des concerts dans le bassin carmousin, décidera de recréer un festival Rock in Opposition en début des années 90, aidé en cela par l'ancien guitariste d'Univers Zéro, Roger Trigault. Et ce festival existera sur une dizaine d'éditions, toutes aussi mémorables les unes que les autres. C'était vraiment un rendez-vous incontournable. On avait l'habitude d'y aller avec Radio et d'enregistrer. Il y a certains lives d'ailleurs que vous pouvez écouter dans nos podcasts, live enregistrés dans ce festival qui manque énormément. Mais bon, voilà, de nos jours, à vrai dire, les musiques différentes, les musiques orphelines s'organisent toutes en collectif. Il y a un petit peu plus d'argent public aussi qu'à l'époque. Donc, il y a des choses qui peuvent exister, des risques qui peuvent être pris, de l'argent pour des résidences extrêmement longues. Finalement, on dépend plus de Virgin pour le faire et du bon vouloir d'un vendeur de disques. Bon, je dirais pas que c'était mieux qu'à l'époque, où en fait on s'en fiche, juste citer que voilà, à cette époque-là, se former en collectif et s'entraider les uns les autres, c'était d'autant plus important pour pouvoir exister. Et c'est ce qu'aura fait Henrikau avec la création de ce Rock in Opposition, qui était à la base un festival et qui après sera resté pour les auditeurs, pour la postérité, comme une espèce de mouvement. Donc on considère qu'Henrikau a inventé le Rock in Opposition, et dans tous les groupes qu'on va retrouver dans cette sphère, dans ce festival-là, puis les festivals suivants, il y aura toujours soit la dimension politique, soit la dimension musique improvisée, soit la dimension musique rock qui va chercher du côté de l'Europe plutôt que du côté des États-Unis, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, un peu tous les sons qu'Henrikau aura explorés au long de sa carrière, on les retrouvera dans ces autres groupes, non pas qu'ils se soient inspirés d'Henrikau, mais qu'ils aient juste tout bêtement les mêmes inspirations que ce groupe. Voilà. Et le Rock in Opposition est un mouvement assez fabuleux. Je l'avais dit tout à l'heure, je le redis dans les Mixcloud de Vraiment Autre Chose. Vous pouvez retrouver l'émission 19 qui s'appelle La Nuit du Rock in Opposition. Mais il y a toute une partie consacrée à Henrikau qui est à peu près ce que vous venez d'entendre, donc vous pouvez la zapper. Et après, par contre, ça parle des autres groupes, de Stormy Six, d'Artburst, de tous ces groupes-là, qui ont vraiment laissé une marque et dont beaucoup, beaucoup de musiciens et de groupes se revendiquent encore actuellement à juste raison. C'était vraiment un mouvement musical très fort et qui existe encore et qui nous donne encore des belles petites perles et des belles petites pépites. Voilà un groupe, pour le coup, Henrikau, qui ne doit pas sa notoriété à la Nurse With One List. Je sais pas à quoi ils la doivent, probablement au fait d'avoir tourné au taquet, de s'être beaucoup montré, d'avoir fait beaucoup de concerts de soutien, au fait aussi d'avoir bénéficié d'un gros label pour leurs premiers albums, et puis au fait que la musique est assez fabuleuse, a été beaucoup entendue, a beaucoup inspiré. Et voilà, c'est un groupe qui a aussi beaucoup, beaucoup, ce qui se faisait pas trop justement, ils faisaient pas les Pink Floyd, les gars, ils allaient pas dans des stades, les gars, les filles. Oui, très important. Tiens, très important d'ailleurs, de dire que juste après la sortie de In Praise of Learning, il y a un gros mouvement au sein de Henrikau, je parle de départ et d'arrivée, etc., puisque John Greaves, le bassiste, quitte le groupe et il embarque avec lui Peter Beckvad. Et ils vont sortir l'album Q-Rone, qu'on avait chroniqué il y a quelques émissions de ça, quand on était à la lettre K. Magnifique, magnifique, super album. Et du coup, ces deux musiciens quittent le groupe. Et c'est la bassiste Georgie Bourne, qui rejoint le groupe, qui devient du coup complètement mixte. On se retrouve avec Timothy Ginson, Chris Cutler et Fred Frith, et Dagmar Krause, Lindsay Cooper et Georgie Bourne. Voilà, un groupe 50% féminin, 50% masculin. Donc, Yale ont écumé l'Europe, voilà, ce que ne faisait pas justement Pink Floyd, enfin, à part d'aller jouer dans des stades. Enrico a joué vraiment partout, les petits lieux, les lieux alternatifs, les squats, tout ce qui était justement à côté du un peu du système marchand. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur notoriété. Ils auront eu une énorme influence sur beaucoup de pays d'Europe, notamment en Tchécoslovaquie. Il y a eu beaucoup de très très belles choses. Tchécoslovaquie, puis République tchèque, puis Slovaquie. Il y aura eu de très très belles choses totalement mais inspirées d'Enrico. Ils auront aussi tourné au Japon et beaucoup marqué le Japon. Je vous parlais des Ruins tout à l'heure, qui tirent leur nom d'un titre d'Enrico, mais ils sont loin d'être les seuls musiciens à avoir vraiment été marqués par cette musique-là. Et du reste, Fred Frith, le guitariste Fred Frith, est encore actuellement une sommité en la matière de la composition ou du jeu de guitare préparé. Voilà, mais là, je m'avance un petit peu parce qu'on ne va pas parler de suite de la fin. On va s'écouter un titre donc, de ce fameux album Concerts. Et on va écouter un titre où ils sont en duo avec... enfin, duo, non, ce n'est pas un duo puisqu'ils sont 7, du coup, ça se forme un septuor. Enfin bref, les 6 Enrico sont rejoints sur scène par Robert Wyatt pour un medley, si j'ose dire, enfin en tout cas un mix de deux morceaux, donc un titre de Enrico, Bad Alchemy, qui était dans l'album Unrest, et un titre de Robert Wyatt, Little Red Riding Hood. Ah, punaise. Bon, bref, le petit chaperon rouge prend la route. L'un des titres fabuleux du fabuleux album Rock Bottom de Robert Wyatt. Voilà, donc ils font un morceau d'Enrico, un morceau de Robert Wyatt. Et je vous ai choisi cet extrait parce que déjà que je suis fan de la voix de Dagmar Krause, mais alors quand elle est mélangée à celle de Robert Wyatt, mais c'est juste... C'est fabuleux, ça a explosé, je fonds à tous les coups. Voilà, l'album Concert, c'est un très très bon album. Ils sont un petit peu plus rustiques, je disais, que les albums studio, mais très très bon témoignage et sont de toute façon tout à fait correct. Du reste, tout ça a été ressorti, mais ça je vous en reparlerai par la suite. Il y a des coffrets Enrico qui valent vraiment vraiment le coup d'oreille. Donc on va s'écouter Enrico, donc un extrait de l'album Concert, donc Bad Alchemy, Little Red Riding. Thank you. Mais comment j'aurais trop voulu y être. On vient d'écouter donc Bad Alchemy, suivi de Little Red Riding Hood, Read It's the Road. Ça y est, j'y suis arrivé. Petit chaperon rouge qui prend la route. C'est un titre de Robert Wyatt, tiré de Rock Bottom, le premier album de Robert Wyatt, l'un des plus beaux albums de l'histoire de la musique. Parmi les plus beaux albums de l'histoire de la musique, ce concert de Enrico sera pas trop mal placé. C'est vraiment hyper bien, hyper beau de les entendre s'exprimer en live. Le son est un petit peu plus brut, mais bon, quand même, on entend très bien ce qui se passe. Non, mais cette ligne de basse, voilà. Bref, voilà, vous l'aurez compris, je fonds complètement pour ce groupe Enrico, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire le fil rouge de cette émission consacrée à la Nurse with Wound List. Ce sera presque le dernier album d'Enrico. Je vous raconte un petit peu la fin. Cela, à ce moment-là, il commence à y avoir une scission dans le groupe. Tiens, ça alors, c'est quand même un groupe qui n'est jamais arrivé à garder le même line-up d'un album à l'autre. Mais toujours est-il que, ouais, il y a une petite, même une grosse scission en fait à l'intérieur du groupe vers la direction à donner à Enrico. Et il y a trois des musiciens, Chris Cutler, le batteur, donc Fred Friis, guitariste, violoniste, et Dagmar Kraus, qui sont plutôt partants pour que Enrico reprenne un peu le fil de In Praise of Learning. Et donc devient un groupe plus revendicatif, quitte à simplifier un peu la musique, alors que Lindsey Cooper et Tim Hodgkinson, eux, sont plutôt partants pour revenir à une chose musicale plus décrite. Donc il y a un vrai désaccord au sein du groupe qui arrive à la scission du groupe. Le groupe se sépare et... Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer un dernier album d'Enrico qui sera uniquement de la composition. Une face composée par Tim Hodgkinson et une face composée par Lindsey Cooper. L'album s'appelle Western Culture. C'est le dernier album de Enrico. Il a cette particularité aussi de ne plus arborer la fameuse chaussette en couverture d'album. C'est un petit dégradé de couleur qui n'est pas trop... Ça va, elle est très belle, la pochette, à vrai dire. Mais ce n'est plus du tout... donc, c'est plus la pochette légendaire de Enrico. Ce sont quand même les musiciens d'Enrico, et ce qui est assez fabuleux, c'est que les trois musiciens qui créent la scission, Chris Cutler, Fred Friis et Dagmar Kraus, décident donc de former un nouveau groupe qui sera vraiment textuel, musicalement toujours hyper intéressant. Et vous savez de quel groupe il s'agit si vous suivez le feuilleton depuis le début. Il s'agit de Heartburst. On en a parlé à la lettre A. Je crois qu'on en a parlé à notre toute première émission. Et ça, c'est donc né de la scission d'Enrico. Et là, du coup, on est sur un propos politique encore plus poussé. On a de la chanson en permanence. Il n'y a quasiment pas de morceaux 100% instrumental. Il y en a très peu. Deux albums, je dirais. Bref, en tout cas... très bien, vraiment. Winter Songs, World As Is Today, il y a trois albums, autant pour moi. Très bon, dont on a déjà parlé ici, donc je ne vais pas en reparler. Et ce qui est assez marrant, c'est que le premier album, donc si je ne m'abuse, c'est Winter Songs, qui est de Heartburst, est enregistré en même temps, dans le même studio et dans la foulée de Western Culture, le dernier d'Enrico. Donc sur le dernier album d'Enrico, il y aura tous les musiciens donc, du sextet que je vous ai cité tout à l'heure. Et sur le premier album de Heartburst, ce sera uniquement donc les trois musiciens d'Heartburst, plus quand même, je crois qu'il y a Tim Hodgkinson qui vient dire bonjour sur un morceau, Lindsey Cooper sur un autre, mais c'est plus, voilà, ce n'est plus de la création d'un groupe. Voilà. Voilà ce qu'il adviendra de Enrico. Par la suite, Heartburst existera le temps de 2-3 albums, et après, les musiciens prendront leurs envols pour des carrières solo ou d'autres projets de groupe, tous aussi fabuleux les uns que les autres. Le Rock in Opposition aussi est né et continuera à exister par des festivals, puis par plein de groupes de toute l'Europe qui s'en revendiquent, jusqu'en Slovénie, en Tchécoslovaquie, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un mouvement qui, grâce à Enrico, a marqué toute l'Europe, aura vraiment une influence majeure sur pas mal de très belles musiques. Voilà, je vous ai présenté ce soir les principaux albums de Enrico. Je me suis pas arrêté sur Desperate Straits, qui vaut carrément le coup d'oreille lui-même. J'avais vraiment à cœur de vous montrer un peu les couleurs différentes qu'avait pu prendre ce groupe au fur et à mesure de son existence. Voilà des gens qui ont remis tout le temps en question en fait leur musique, toujours voulu améliorer, pas continuer à faire des albums qui se ressemblent, et c'est réussi. Les trois albums qu'on a écoutés ce soir ne se ressemblent pas du tout. Heartburst ne ressemble pas du tout à Enrico. Le dernier album Western Culture d'Enrico ne ressemble pas vraiment non plus au reste, ou juste par moment. On l'écoutera pas, cet album. Oh, Mais pourquoi on n'écoutera pas le dernier album d'Enrico? Parce qu'il est sorti en 79 et qu'on a à cœur dans cette émission, quand on parle d'un groupe qui est dans la Nurse With Wound List, cette liste elle est sortie en 78, on a à cœur de chercher dans les albums qu'auraient pu écouter les musiciens avant de le mettre dans la liste. Donc on prend jamais de groupe, on ne parle jamais des albums après 78. Là, je vous évoque un peu la fin d'Enrico pour vous donner des pistes, si vous avez aimé, je vous conseille d'eux. Mais en vrai, voilà, on n'écoutera pas ce soir non plus de titre de Heartburst. On dirait que la deuxième partie de la liste était en 81. On aurait pu s'écouter un titre de Western Culture, en fait. Mais bon, tant pis, on le fera pas. Peut-être je vous le mettrai en rappel. Sinon, bah, écoutez, tout ça s'écoute de toute façon assez facilement sur YouTube, peut se télécharger avec des logiciels de peer-to-peer, mais j'ai pas le droit de le dire. Mais enfin bref, il y a de toute façon des solutions pour écouter ces musiques-là. Si vous avez un peu d'argent de côté, franchement, acheter un album d'Enrico, ce sera pas la chose la plus bête que vous ayez fait de votre vie, parce que ça s'écoute moult fois. Moi qui vous parle, ces titres-là, je les ai écoutés une centaine de fois et ils me touchent tout le temps, toujours autant, parce qu'on y découvre toujours autre chose et ça fait plaisir, vraiment autre chose. On va passer, on va garder la Horde Catalytique pour la fin, voilà, puisque c'est le nom du dernier groupe dont on va parler. Les Horde Catalytique pour la fin. Voilà, à la fin, FIN. Bon, ça c'est aussi c'est une espèce de donnée dans cette Nurse Vision List. Il y a vraiment des groupes qui se prennent exprès des noms à coucher dehors pour qu'on se souvienne d'eux. Mais eux, c'est pareil, Horde Catalytique pour la fin. Pour le coup, jamais, je devrais pouvoir vous en parler et vous en faire écouter. Mais ça a été ressorti. C'est le label Souffle Continue à Paris qui a ressorti cet album, comme il a ressorti, je crois, la plupart des albums français faisant partie de la Nurse With Wound List. Parce que maintenant, ça se vend. Il y a des gens que ça intéresse, des gens qui vont écouter, qui vont. Voilà, c'est une des vertu de cette liste. Pour autant, aucune émission radio ne s'était attaquée à parler de l'intégralité de la liste. Et ma foi, au bout de 2h20 de la 22e émission, je commence à comprendre pourquoi. Mais on va continuer. Je vous fais un petit quart d'heure Wikipédia parce que je ne suis pas arrivé à trouver beaucoup d'infos. Là, je vous avoue, c'est hors de catalytique pour la fin. Et allez savoir pourquoi, l'article de Wikipédia est hyper complet. Donc, merci aux contributeurs. Et on est en 1967 à Nice, en France, quand Richard Akar, Georges Aloro, François Beaulier, Jacques Fassiola et Gilbert Stuerga se rencontrent. Ils ont à peine plus de 20 ans. Richard Akar est saxophoniste et il est surtout électricien pour gagner son métier. Il fait du saxophone à côté pour gagner sa vie, pardon. Georges Aloro, lui, il est plombier zingueur, mais aussi guitariste. Il est aussi, d'ailleurs, c'est notable, facteur d'instruments de musique autodidacte. François Beaulier, lui, se consacre plutôt à la musique. C'est musicien professionnel, il est vibraphoniste. Jacques Fassiola et Gilbert Stuerga sont batteur et contrebassiste et aussi étudiant en philosophie à la fac de la Tous pratiquent le jazz et s'intéressent au free jazz. Cependant, ils pressentent l'existence d'une réalité musicale qui ne rentre dans aucune des formes établies. Pour l'approcher, ils décident d'abandonner tout ce qu'ils connaissent. Ils laissent derrière eux toutes les règles qui organisent la musique. Ils se détournent de la composition. Ils oublient les partitions pour se situer résolument, je cite, hors du rapport aveuglant au texte musical. Même les codes d'improvisation tels qu'ils sont pratiqués dans le jazz relèvent à leurs yeux d'une mise sous tutelle. Ce qu'ils veulent, c'est un retour au son, au geste musical, avant qu'ils ne soient pris dans les filets des conventions et des habitudes. Dans cette aventure qu'ils définissent eux-mêmes comme une transgression risquée, c'est d'ailleurs le sous-titre du groupe sur sa première affiche de concert, Horde Catalytique pour la fin, transgression risquée. Ils ne reconnaissent qu'un principe, un phare pour les guider, l'écoute ou attention auditive. Elle seule peut tracer le chemin vers un renouvellement de l'acte de création. Le propos peut paraître chimérique et pourtant il fera écho. Pour désigner leur pratique, ils inventent le concept de gestation sonore. Là aussi, je cite, « La gestation sonore n'est pas une nouvelle musique, elle n'est pas un produit, mais un processus. Ce qui est visé, c'est aussi bien à déplacer la manière de jouer que le type d'écoute qu'elle suscite. » Ou encore, je cite, « L'oreille n'a pas de paupières. On peut la violer, la programmer. Indomptable, elle reste à l'écoute. La gestation sonore n'est pas préparée, elle n'est pas non plus de l'improvisation, car elle n'accepte pour support que l'instrument et le lieu d'où elle se joue. Elle marche en somnambule, et si à tel instant une formation sonore émerge plus qu'une autre, c'est l'écoute qui la réclame et non pas la musique. » Voilà le propos. À propos, on pourrait se revendiquer pas mal d'improvisateurs actuels, mais c'est ma foi Eh ben, c'est fort bien dit, hein, quand même. Puis on est en 67 en France, quoi. On n'est pas dans un article de Jazz Mag en 2010, quoi. Enfin, bref, bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Tout ça pour dire que, ouais, c'est quand même bien réfléchi, mais du reste, il y a beaucoup de gens qui avaient réfléchi la musique à ce moment-là. C'est moi qui m'emballe, c'est la fin d'émission. En tout cas, j'aime bien la façon dont ils racontent ça. Ils donnent à leur groupe le nom de Horde Catalytique pour la fin, HCPLF, Horde pour un clin d'œil à cette Horde primitive, le moment hypothétique que Freud avait imaginé entre l'état de nature et la vie organisée en société. Catalytique comme ces éléments chimiques qui provoquent des transformations sans changer de nature, et pour la fin, celle de l'hégémonie d'une certaine conception de la musique. Voilà, que dire de plus? Il y a tout un historique hyper intéressant dans l'article Wikipédia. Je vous promets, on parle de poésie, de Louis Aragon. Enfin, il est question de pas mal de choses intéressantes. C'est un groupe qui a eu une existence, en tout cas, intéressante, qui s'est associé à pas mal d'artistes. Du reste, ils ne sortiront qu'un seul album, sorti chez Futura, l'un de ces labels hyper aventureux qu'il y avait en France dans les années 70. Et l'album s'appelle Gestation Sonore. Il correspond complètement aux propos qu'on vient d'entendre. Donc vous allez entendre de la musique complètement libre. Vous pourrez parler de musique improvisée, même s'ils n'aiment pas ce terme-là. Bon, vous l'avez attendu, il y a cette histoire de gestation sonore et surtout de... je perds mes notes. Oui, de la fameuse attention auditive. Bon, actuellement, on dirait, on cherche tous à former une matière collective. Voilà, il y a une écoute, comme il le disait, d'un musicien envers l'autre. Le but n'est pas ce que je joue, mais ce que ça donne dans le collectif. Il y a vraiment cette réflexion-là. 4 titres, Gestation Sonore 1, Gestation Sonore 2, Gestation Sonore 3 et Gestation Sonore 4. C'est ce dernier titre que j'ai choisi. C'est le plus long, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Juste parce que je trouvais que c'était celui qui racontait le plus de choses, tout bêtement. Vous me direz, c'est logique quand c'est le plus long. Mais les autres, c'est des improvisations peut-être un petit peu plus courtes et je trouve qu'elles prennent moins score. C'est vraiment pour moi la pièce maîtresse de cet album-là. Vous allez entendre 19 minutes de gestation sonore, c'est la gestation sonore 4. C'est donc Horde Catalytique pour la fin. On est en 67 en France, certes, mais cet album-là sort en 74, si je ne dis pas de bêtises, je vérifierai ça tout à l'heure. Non, pas du tout, il est enregistré en 71, il sort en 71, autant pour moi. Enregistré en live au Théâtre de Nice, et sorti en 71 par Futura Records. Il est tard, il est temps que je laisse la parole à la Horde Catalytique pour la fin. Thank you. Thank you. Bonjour les petits enfants. Et pourquoi ils sont pas là les petits enfants? Mais pourquoi ils sont pas là les petits enfants? C'est vrai ça? Oh là là là là, mais laissez vos petits enfants éveillés jusqu'à 23h51, ça leur permet d'écouter Horde Catalytique pour la fin. Et sincèrement, c'est toujours ça de prix et c'est toujours ça qu'ils écouteront d'agréable. Mais voilà, j'ai quand même à dormir, c'est hyper bourgeois de dormir. Arrêtez d'embourgeoiser vos enfants, faites-leur écouter vraiment autre chose. C'était un vraiment autre chose exceptionnel ce soir, puisque c'était à la suite de notre magnifique feuilleton, une tentative d'exploration radiophonique de la Nurse With One List que j'ai appelée Au pied de la lettre. C'était Au pied de la lettre H ce soir. Il est venu le temps de récapituler tout ce qu'on a entendu. Ce soir, nous avons fait un fil rouge autour de Henry Cow, le groupe britannique Henry Cow, et je vous ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi ce groupe m'avait marqué, et pas que moi, et pourquoi il avait eu, ma foi, un rôle assez important dans l'expansion des musiques expérimentales, improvisées, étranges et bizarres qui animent nos ondes au fil des semaines. De Henry Cow, nous avons écouté deux extraits de l'album Leg End, sorti en 71 chez Virgin, Nirvana for Mice et Nine Funeral of the Citizen Kings. Ensuite, je vous ai parlé de Harry Chapter, les Allemands de Harry Chapter. On a écouté un extrait de l'album Can't Get Through et le titre c'est It Must Be an Officer's Daughter. C'est là où le chanteur veut sentir les 27 doigts de sa compagne exploser en son intérieur. Voilà. Ensuite, on est repassé Henry Cow sur l'album Unrest. On a écouté le titre Ruins et on a écouté aussi l'impro Upon Entering the Hotel Adlon. Ensuite, je vous ai parlé de Hero, de ce groupe italien, mais qui était parti en Allemagne pour composer et sortir un album sorti après le décès d'un des musiciens. On a écouté un titre de l'album, 3-2-1. On a écouté un seul titre de l'album Hero et ça suffisait bien. On a écouté Knock. Voilà. Que dire de plus? On est repassé à Henry Cow et la pièce maîtresse de l'album In Praise of Learning, on a écouté Living in the Heart of the Beast. On est ensuite parti du côté de la France et de Montpellier plus exactement pour découvrir Erratius, l'album Guanoline. On a écouté trois extraits, Le vieil homme et Nefertiti, Taj Mahal Coco Guanoline Blues et Gwendoline Electrochoc. Voilà. Ensuite, on est revenu à Henry Cow. On a parlé de l'album Concerts, cet album que Virgin a refusé de sortir, qui est à l'origine, du coup, quelque part, du festival, puis du mouvement Rock in Opposition. Et de l'album Concerts, on a écouté un titre où Robert Wyatt rejoignait le sextet Henry Cow pour un medley Bad Alchemy, Little Red Riding Hood, It's the Road. Ensuite, on est parti en France, à nouveau, du côté de Nice, avec la Horde Catalytique pour la fin. On a écouté le titre Gestation Sonore 4, le titre qui clôt l'album Gestation Sonore. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous aurez eu autant plaisir à l'écouter que j'ai eu plaisir à l'enregistrer et à la faire pour vous. Bientôt 3 heures d'émission, c'est fou. Voilà, c'est ça un peu la tentative d'exploration. On en a pour un moment parce que là, je crois qu'on vient de passer le groupe 135 et il y en a, 292. Voilà, donc on n'est même pas à la moitié de notre tentative d'exploration. Je vous l'ai dit, ça fera une cinquantaine d'émissions. Ce n'était que la 22e. La 23e, j'espère que ce sera dès la semaine prochaine. Soyez à l'antenne le 22 décembre. Je vais tenter d'en faire une autre. On abordera la lettre I et ensuite on passera au J, au K. Il y a beaucoup, beaucoup de poids lourds. Enfin bref, il reste de très, très belles choses à découvrir ou à redécouvrir grâce à cette Nurse With One List. Je rappelle que les épisodes précédents sont disponibles sur Mixcloud, dans le Mixcloud de Vraiment Autre Chose, la playlist Nurse With One Liste, tentative d'exploration. Et sinon, les autres émissions de Vraiment Autre Chose et toutes les émissions de Radio, elles s'écoutent aussi en Mixcloud. Que dire de plus? Un gros bisou si on nous écoute du côté de la Corrèze le vendredi soir avec nos amis de Bram FM du côté de Tulle. Grand, grand, grand bonjour à Isabelle et à toute l'équipe. Et puis merci de nous diffuser là-bas aussi. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je n'ai plus de parole et je laisse la parole à Henry Cow justement. Dernière période d'Enrico, ouais, celle dont je vous avais parlé avant la scission, la période où c'est un groupe 50% féminin, 50% masculin. Je recite les musiciens parce qu'on va les entendre, les musiciennes, on va les entendre une dernière fois. Dagmar Krause, l'immense Dagmar Krause est là au chant. C'est toujours Chris Kotler qui tient la batterie, Timothy Ginson qui est au saxophone de clarinette, Fred Fries est à la guitare, Georgie Bourne à la basse et Lindsay Cooper au hautbois ou au basson. Je me souviens plus sur ce morceau. Et donc on termine cette émission par un extrait d'un magnifique boîtier Enrico qui leur est consacré, où il y a tous les albums studio et énormément d'archives et aussi beaucoup de live et un DVD live. Et c'est de là qu'on va écouter l'extrait. C'est un live à VV. Voilà, il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube. C'est hyper beau, le cadre est magnifique. Je crois qu'il y a pas grand monde en spectateur, et eux, ils sont là, et ils font ça, ils font No More Songs, une reprise de Phil Ox qui va clore cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci pour votre écoute. On se retrouve, j'espère, dès le jeudi 22, et on se quitte donc avec notre fil rouge, Enrico, No More Songs. À bientôt. Beside the door, they told me that